Le pommier, par André Theuriet. Dans le salon, sous le voile de crêpe blanc qui recouvre les photographies de la jeune morte, je vis un soir trois pommes récemment cueillies, parées encore d'un bouquet de feuilles vertes et posées au pied de la principale image de l'enfant parti trop tôt. Ses fruits d'aspect plébéien, à la peau tachée de jaune bruissure, semblait dépaysé au milieu des tableaux et des bibelots rares encombrant ce salon aristocratique aux épaisses tentures où l'on parlait bas comme dans une église. Cela détonnait si étrangement que la mère en deuil, devançant la question qu'elle lisait dans mes yeux surpris, dit en me désignant un tableau placé au fond de la pièce « Ces fruits viennent du pommier que vous voyez là, dans la dernière toile peinte par Moussia. » Et c'est ainsi que je connus cette histoire du pommier si intimement liée à celle de la jeune artiste morte à 24 ans. Au commencement du printemps de 1880 et quelques, Moussia projetait de peindre pour le salon de l'année suivante une paysanne assise en plein air, et elle passait des journées à chercher dans la banlieue un paysage à souhait pour y placer son modèle. Un matin, aux environs de Sèvres, elle arriva près d'un clos entouré de palissades. Au-delà de la barrière à claire-voie, une allée herbeuse s'enfonçait dans une saulaie dont les feuilles vertes, encore mal dépliées, laissaient tomber à plein le soleil sur les vivaces broussailles du sol. À moitié de l'allée, un pommier épanouissait dans la lumière ses floraisons blanches et roses. Le taillis d'un vert cendré fin comme une fumée, le pommier robuste étalant libéralement ses branches fleuries, l'herbe drue, tout cela était d'une harmonie tendre, fraîche et réveillante comme le printemps lui-même, et tout cela émut Moussia, qui sentit en elle quelque chose lui crier « Voilà le motif cherché !» Poussant la barrière, elle se dirigea vers la maison d'habitation, séparée du verger par un jardin peuplé de ruches, et demanda à parler au propriétaire. Celui-ci était un de ces horticulteurs, moitié bourgeois et moitié campagnards, qui approvisionnent le marché parisien de leurs fleurs et de leurs fruits. Intelligent, chargé de famille et piochant dur, il faisait des pensées et du miel. La demande de cette jeune fille, aux grands yeux bleus expressifs, à l'air ouvert et enthousiaste, le flatta. Il aimait les arbres, et l'admiration d'un peintre pour son pommier chatouillait doucement son amour-propre. Moussia obtint facilement la permission de s'installer dans le clos, et dès le lendemain, elle se mit au travail. Elle arrivait de bonne heure par le tramway, accompagnée du modèle qui portait dans un sac de voyage le déjeuner commun. Elle grimpait rapidement la rampe qui mène à l'ancienne manufacture et commençait vivement sa besogne. Elle connaissait à fond son métier, et n'en était plus à ses débuts, ayant déjà exposé au salon des toiles très remarquables. Bien qu'elle appartînt à une famille riche et occupant un haut rang dans l'aristocratie de son pays, elle travaillait non en amateur mais en artiste éprise de son art et désireuse de gloire. Originaire de l'Ukraine, elle apportait dans sa façon de peindre cette recherche consciencieuse du détail exact, en même temps que cette fougue mélancolique et cette poésie qui sont dans le tempérament petit russien. L'œuvre ébauchée l'absorbait tout entière. Elle essayait d'y mettre un peu de cette effervescence printanière répandue tout autour d'elle. Le montant de la sève qui gonfle l'écorce, illustre les feuilles nouvelles, la hâtive poussée des fleurs jaunes qui éclatent dans l'herbe comme de petits soleils, la grisante odeur de renouveau qui se dégage de la terre et des plantes. Elle peignit avec acharnement, avec passion, comme si elle eût craint de n'avoir pas le temps de finir. Chaque matin, elle était à sa place, au milieu du clos, bravant le hâle, les giboulées et les traîtreux retours de froidure qui la faisaient tousser. Parfois, dans son emportement de travail, elle oubliait même de manger le déjeuner qu'elle avait apporté. Les gens du clos admiraient ce labeur obstiné. En la voyant peindre, tête nue, les pieds dans la rosée, une blouse d'atelier passée sur sa robe grise, ils la croyaient comme eux, de conditions modestes, et obligés de besogner pour gagner le pain quotidien. Ils s'étaient pris d'un intérêt affectueux pour cette jeune fille si courageuse et si amoureuse de son métier. La ménagère lui apportait des bols de lait chaud qu'elle la forçait de boire pour se réconforter. Les enfants venaient jouer près d'elle pendant les heures de repos. Même l'horticulteur, ayant appris que certains arbustes la gênaient pour établir la perspective de son fond, n'avait pas hésité à les abattre. Et c'était touchant de voir cet homme, d'ordinaire si positif et si ménager de son bien, sacrifier de bonne grâce ces jeunes arbres pour satisfaire un désir d'artiste. Peu à peu, une cordiale intimité s'établissait entre eux, et plus d'une fois, au repas de midi, Moussiad était invité à partager la soupe aux choux et le petit salé qui composait le dîner de la famille. Elle prenait le cœur de ces braves gens par sa familiarité bon enfant, par son enthousiasme et par les saillies de son esprit primesautier. Dans la vie casanière, méthodique et peu mouvementée de ces campagnards, la venue de cette blonde et belle personne aux yeux bleus si lumineux, qui riaient d'un rire si franc et qui aimaient tant leur premier, prenaient les proportions d'un événement historique. Une tendre et amicale habitude les attachait à elle. Il leur semblait qu'elle faisait presque partie de leur clos au même titre que les abeilles du rucher et les pensées des plates-bandes. Cependant, le tableau avançait. La paysanne assise au pied de l'arbre venait très bien. Il n'y avait plus que les bras et les mains à finir. La famille rassemblée autour du châssis déclarait d'une seule voix que la ressemblance du pommier était frappante, et qu'en tendant la main, on pourrait censément cueillir les fleurs peintes sur la toile. Un soir, Moussé emporta le tableau pour le montrer à des amis, et partit en promettant de revenir bientôt pour terminer sur place certains détails du paysage. On l'attendit en vain. Les jours se passèrent, les unes après les autres, les fleurs du pommier s'éparpillèrent dans l'herbe comme un vol de papillons blancs. Mais Moussé ne revint plus peindre dans l'allée du clos. À sa place, les horticulteurs virent, au bout d'une quinzaine, arriver un paquet soigneusement ficelé et une lettre. Le paquet contenait un coupon de faille noire dont la soie épaisse tenait toute droite. Dans la lettre, Moussé expliquait qu'un grand rhume la retenait à la maison et priait la femme du fleuriste d'accepter cette robe en remerciement de sa bonne hospitalité. Ce fut pour ces braves gens un crève-cœur et une pénible déception. Ce qu'ils avaient fait pour l'artiste, ils l'avaient fait de bonne amitié et parce que son jeune enthousiasme les intéressait. Mais l'envoi de cette robe, qui coûtait au moins 20 francs le mètre, les mortifiait. Ils trouvaient le cadeau hors de proportion avec le service rendu, et cela les froissait dans leur amour-propre. La famille tint conseil, et il fut décidé qu'on reporterait le coupon de soie à celle qui l'avait expédié. Les fleuristes avaient appris par le livret du salon l'adresse de Moussia, et un jour qu'ils allaient aux Halles, ils s'arrêtèrent dans l'avenue de Villiers où habitait l'artiste. D'abord, ils hésitèrent à entrer, craignant de s'être trompés, et un peu interloqués de voir que cette jeune fille, aux façons si simples, qu'ils avaient prises pour une artiste obligée de vivre de son travail, habitait un si confortable hôtel. Ils sonnèrent néanmoins. Un domestique en livrée vint leur ouvrir, et après qu'ils se furent nommés, les introduisit dans un salon dont le luxueux ameublement acheva de les intimider. Ils trouvèrent Moussia accouché sur une chaise longue, enveloppé dans un ample peignoir de peluche blanche sur lequel moutonnaient ses blonds cheveux défaits. Elle avait maigri, elle était très pâle, et dans cette pâleur maladive, ses yeux encore agrandis brillaient d'une lueur phosphorescente. En apercevant ses amis les jardiniers, elle poussa une joyeuse exclamation et, se soulevant avec peine, leur tendit sa main émaciée. « Je suis heureuse de vous voir, » dit-elle en toussant presque entre chaque mot. « Il ne faut pas m'en vouloir de n'être pas allé vous remercier. On me défend de sortir. Il paraît que je me suis surmenée pour finir mon tableau et que j'ai pris froid dans l'herbe. Me voilà clouée ici pour quelque temps. » Le mari et la femme la regardaient avec stupeur. Elle leur faisait peine, tant elle était changée. Et maintenant l'horticulteur tournait le paquet d'étoffes entre ses doigts sans oser le lui rendre. « Nous ne vous en voulons pas, » dit enfin la femme, « puisque vous étiez souffrante. Tout de même, vous nous avez peiné en nous envoyant cette robe de soie. Ce que nous avions fait, c'était de bon cœur, et nous n'avions pas besoin d'un cadeau pour être heureux de vous avoir reçu chez nous. Alors mon mari a décidé que nous vous rapporterions la robe. « Non, c'est toi qui as voulu la rapporter, » interrompit le mari. « Vous êtes tous deux de grands enfants, » s'écria Moussia en retrouvant son clair rire d'autrefois. « Vous me feriez bien plus de peine en la refusant. « Je veux, » ajouta-t-elle en s'adressant à la jardinière, « que vous la portiez en souvenir de moi, quand je ne serai plus de ce monde. » Et comme le mari et la femme se récriaient et protestaient qu'à son âge elle reprendrait bien vite le dessus, « Non, » repartit Moussia, « voyez-vous, je crois que la chandelle est coupée en quatre et qu'elle brûle par tous les bouts. Je ne vivrai plus longtemps. Vous savez, les enfants qui ont trop d'esprit. » Elle essayait de rire, mais une buée humide couvrait ses prunelles bleues, et eux-mêmes, les jardiniers, en écoutant cette parole sifflante, coupée par des accès de toux, sentaient des larmes leur monter aux yeux. Moussia secoua la tête et changea de conversation. « Et le pommier » demanda-t-elle. « Est-il toujours aussi beau ?»« Oh, sûr que oui » répondirent-ils. « Les fleurs sont tombées, mais les fruits commencent à nouer. Il y a apparence que les pommes foisonneront. Il faudra venir en manger en septembre. Le bon air du côté de Sèvres vous remettra tout à fait, mademoiselle. » Elle secoua de nouveau la tête et se renversa sur les coussins, épuisée, hélas, déjà d'avoir parlé. Quand les jardiniers furent partis, elle ferma les yeux et songea aux pommiers qui se dressaient là-bas dans l'allée herbeuse et fleurie du clos. Il se portait bien, lui. Un riche afflux de sève montait puissamment des nœuds de ses racines à la pointe de ses branches. Il étalait au soleil sa verdeur et sa fécondité. Il se riait de la pluie et du vent, des nuits trop fraîches et des trop brûlants midis, tandis qu'elle, emprisonnée dans une chambre de malade, entourée des plus savants médecins de Paris, elle dépérissait chaque jour et sentait qu'elle ne passerait pas l'automne. Oh misère! Elle était jeune, riche, adorée, merveilleusement douée. Elle avait tant de choses à dire, tant de tableaux dans la tête. À la fin d'octobre, alors que sur le coteau de Sèvres, dans le clos blanchi par le premier givre, le robuste pommier abritait encore des rouges-gorges chanteurs sous ses dernières feuilles jaunies, les horticulteurs reçurent une lettre à bordure noire leur annonçant que Moussia était morte, et les braves gens de la petite maison entourée de ruches pleurèrent tout bas cette adorable fille qui, pendant un mois, avait été l'animation et la gaieté du clos campagnard. Hélas, dans le tourbillon tumultueux des grandes villes, une vie humaine qui s'éteint ne fait guère plus de bruit qu'une feuille sèche qui tombe. Après les étonnements émus des premiers jours, ce monde parisien, qui avait admiré, fêté et chanté Moussia, retourna à ses affaires ou à ses plaisirs. Trois femmes en deuil restèrent seules à pleurer dans l'hôtel de l'avenue de Villiers. Une après-midi d'avril, tandis qu'ensevelies dans leur douleur, elles se tenaient muettes au milieu du salon peuplé des reliques de la morte, on sonna la porte et le domestique introduisit les jardiniers de Sèvres. Ils avaient fait toilette pour rendre cette visite. Le mari, sanglé dans sa redingote des dimanches, tournait gauchement son chapeau dans ses mains gantées de noir, et la femme s'était parée de son châle de noces, sous lequel elle dissimulait un paquet assez volumineux. « Faites excuse, mesdames, » commença le jardinier, « si nous venons vous déranger. Nous n'avons pas voulu laisser passer cette saison sans vous dire que nous reparlons souvent de la pauvre demoiselle, et à ce moment de l'année plus encore que jamais. Et ma femme et moi, nous avons pensé vous offrir quelque chose en souvenir d'elle. » En même temps, la femme soulevait son châle et en tirait une brassée de branches fleuries. « Ce sont, reprit-elle, les premières fleurs du pommier qu'elle avait peint, et nous vous les apportons. Elles vous diront mieux que nous ce que nous avions dans le cœur pour mademoiselle Moussia, et si vous le permettez, nous ferons toujours de même, tant que l'arbre donnera des fleurs et des fruits. » Oh, la bonté des cœurs simples! Elle veut mieux que toute l'éloquence des poètes et que tout l'or de la terre. Les jardiniers ont tenu parole, et c'est ainsi que l'image de Moussia est toujours parée de fleurs roses ou de pommes mûres, fidèle et naïve offrande du vieux pommier à la jeune morte. Ainsi s'achève Le pommier par André Theuriet.